être bana na ben African Fiesta kuizaka na mputu sama kusala bena makunga kanti na kitesu na yo beto kele mbote mingi bena banda na ngemba kamarade show kembuna bena mkunga mosi kumbuka na yao Rochero. Président Roger Izeïd, chef d'orchestre, Nico Kassanda, Yakaïna Yabouba, Kwano Mossi, Tabou, Rochelo, Je suis un peu plus de temps.